Nous avouerons que, suivant l'exemple de beaucoup de graves auteurs, nous avons commencé l'histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel n'est autre, en effet, que Fabrice Valsera, Marchesino del Dongo, comme on dit à Milan. Il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chassés et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis del Dongo, si grand seigneur, et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans borne pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné, Ascanio del Dongo, le digne portrait de son père. Il avait 8 ans et Fabrice 2, lorsque tout à coup, ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du Mont-Saint-Bernard. Il entra dans Milan. Ce moment est encore unique dans l'histoire. Figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours après, Napoléon gagna la bataille de Marengo. Le reste est inutile à dire. L'ivresse des Milanais fut au comble. Le marquis del Dongo fut des premiers à s'enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur. Mais leurs femmes, leurs filles, se rappelaient les joies du premier séjour des Français et regrettaient Milan et les bals si gais qui, aussitôt après Marengo, s'organisèrent. Nous glissons sur 10 années de progrès et de bonheur, de 1800 à 1810. Fabrice passa les premières années au château de Grianta, donnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du village et n'apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l'envoya au collège des Jésuites à Milan. Le marquis, son père, exigea qu'on lui montrât le latin, non point d'après ces vieux auteurs qui parlent toujours de République, mais sur un magnifique volume orné de plus de 100 gravures, chef-d'œuvre des artistes du XVIIe siècle. C'était la généalogie latine des Valsera, marquis del Dongo, publiée en 1650 par Fabrice del Dongo, archevêque de Parme. La fortune des Valsera étant surtout militaire, les gravures représentaient force bataille, et toujours on voyait quelques héros de ce nom donnant de grands coups d'épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mère, qu'il adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan. Mais son mari, ne lui offrant jamais d'argent pour ses voyages, c'était sa belle-sœur, l'aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilé volontaire, la permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant point trop le salon d'une femme à la mode. Du reste, ignorant à plaisir et sachant à peine écrire. La comtesse, qui portait en toute chose son caractère enthousiaste, promit sa protection au chef de l'établissement si son neveu Fabrice faisait des progrès étonnants, et à la fin de l'année avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériter, elle l'envoyait chercher tous les samedis soirs, et souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Le supérieur du collège, homme habile, sentit tout le parti qu'il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute puissante à la cour. Il n'eut garde de se plaindre des absences de Fabrice qui, plus ignorant que jamais, à la fin de l'année, obtint 5 premiers prix. À cette condition, la brillante comtesse Pietranera, suivie de son mari, général commandant une des divisions de la garde, et de 5 ou 6 des plus grands personnages de la cour du vice-roi, vint assister à la distribution des prix chez les Jésuites. Le supérieur fut complimenté par ses chefs. La comtesse conduisit son neveu à toutes ces brillantes fêtes qui marquèrent le règne trop court de l'aimable prince Eugène. Elle l'avait créé de son autorité officier des hussards, et Fabrice, âgé de 12 ans, portait cet uniforme. Le marquis Boudère trouva un prétexte pour appeler à Grianta le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère. Elle le regardait comme un sot triste et qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice et, après 10 ans de silence, elle écrivit au marquis pour réclamer son neveu. Sa lettre fut laissée sans réponse. À son retour dans ce palais formidable, bâti par les plus belliqueux de ses ancêtres, Fabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice et monter à cheval. Souvent, le comte Pietranera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval et le menait avec lui à la parade. En arrivant au château de Grianta, Fabrice, les yeux encore bien rouges des larmes, répandu en quittant les beaux salons de sa tante, ne trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses sœurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aîné, le marquesino Ascanio. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l'honneur d'être envoyées à Vienne. Ces lettres, d'ailleurs ridicules, avaient le mérite d'en démentir d'autres plus véridiques, et elles plaisaient. Aussi, peu de temps avant l'arrivée de Fabrice au château, le marquis avait-il reçu la plaque d'un ordre renommé. C'était la cinquième qui ornait son habit de chambellan. La marquise fut émerveillée des grades de son fils, mais elle avait conservé l'habitude d'écrire 2 ou 3 fois par an au général comte d'A, point de suspension, c'était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu'elle aimait. Elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance. La vie de ce château, peuplé de 30 ou 40 domestiques, était fort triste. Aussi Fabrice passait-il toutes ses journées à la chasse ou à courir le lac sur une barque. Bientôt, il fut étroitement lié avec les cochers et les hommes des écuries. Tous étaient partisans fous des Français et se moquaient ouvertement des valets de chambre, des veaux, attachés à la personne du marquis ou à celle de son fils aîné.